Vatek, conte arabe de William Beckford. Vatek, neuvième calife de la race des Abbassides, était fils de Motassem et petit-fils d'Harum al-Rachid. Il monta sur le trône à la fleur de son âge. Les grandes qualités qu'il possédait déjà faisaient espérer à ses peuples que son règne serait long et heureux. Sa figure était agréable et majestueuse, mais quand il était en colère, un de ses yeux devenait si terrible qu'on n'en pouvait pas soutenir les regards. Le malheureux sur lequel il le fixait tombait à la renverse et quelquefois même expirait à l'instant. Aussi, dans la crainte de dépeupler ses états et de faire un désert de son palais, ce prince ne se mettait en colère que très rarement. Il était fort adonné aux femmes et aux plaisirs de la table. Sa générosité était sans bornes et ses débauches sans retenue. Il ne croyait pas, comme Omar ben Abdelaziz, qu'il fallût se faire un enfer de ce monde pour avoir le paradis dans l'autre. Il surpassa en magnificence tous ses prédécesseurs. Le palais d'Al-Khorémi, bâti par son père Motassem sur la colline des Chevaux-Pies et qui commandait toute la ville de Samara, ne lui parut pas assez vaste. Il y ajouta 5 ailes, ou plutôt 5 autres palais, et il destina chacun à la satisfaction d'un des sens. Dans le premier de ces palais, les tables étaient toujours couvertes de mets les plus exquis. On les renouvelait nuit et jour à mesure qu'ils se refroidissaient. Les vins les plus délicats et les meilleurs liqueurs coulaient à grands flots de 100 fontaines qui ne tarissaient jamais. Ce palais s'appelait le festin éternel ou l'insatiable. On nommait le second palais le temple de la mélodie ou le nectar de l'âme. Il était habité par les premiers musiciens et poètes de ce temps. Après qu'ils avaient exercé leur talent dans ce lieu, ils se dispersaient par bandes et faisaient retentir tous ceux d'alentour de leurs chants. Le palais nommé délice des yeux, ou le support de la mémoire, était un enchantement continuel. Des raretés, rassemblées de tous les coins du monde, s'y trouvaient en profusion et dans le bel ordre. On y voyait une galerie de tableaux du célèbre Mani et des statues qui paraissaient animées. Là, une perspective bien ménagée charmait la vue. Ici, la magie de l'optique la trompait agréablement. Autre part, on trouvait tous les trésors de la nature. En un mot, Vatek, le plus curieux des hommes, n'avait rien omis dans ce palais de ce qui pouvait contenter la curiosité de ceux qui le visitaient. Le palais des parfums, qu'on appelait aussi l'aiguillon de la volupté, était divisé en plusieurs salles. Des flambeaux et des lampes aromatiques y étaient allumées, même en plein jour. Pour dissiper l'agréable ivresse que donnait ce lieu, on descendait dans un vaste jardin où l'assemblage de toutes les fleurs faisait respirer un air suave et restaurant. Dans le cinquième palais, nommé le réduit de la joie ou le dangereux, se trouvaient plusieurs troupes de jeunes filles. Elles étaient belles et prévenantes comme les houris, et jamais elles ne se lassaient de bien recevoir ceux que le calife voulait admettre en leur compagnie. Malgré toutes les voluptés où Vatek se plongeait, ce prince n'en était pas moins aimé de ses peuples. On croyait qu'un souverain qui se livre au plaisir est pour le moins aussi propre à gouverner que celui qui s'en déclare l'ennemi. Mais son caractère ardent et inquiet ne lui permit pas d'en rester là. Du vivant de son père, il avait tant étudié pour se désennuyer qu'il savait beaucoup. Il voulut enfin tout savoir, même les sciences qui n'existent pas. Il aimait à disputer avec les savants. Mais il ne fallait pas qu'il poussasse trop loin la contradiction. Aux uns, il fermait la bouche par des présents. Ceux dont l'opiniâtreté résistait à sa libéralité étaient envoyés en prison pour calmer leur sang. Remède qui souvent réussissait. Vatek voulut aussi se mêler des querelles théologiques, et ce ne fut pas pour le parti généralement regardé comme orthodoxe qu'il se déclara. Il mit par là tous les dévots contre lui. Alors il les persécuta, car à quelque prix que ce fût, il voulait toujours avoir raison. Le grand prophète Mahomet, dont les califes sont les vicaires, était indigné dans le septième ciel de la conduite irreligieuse d'un de ses successeurs. « Laissons-le faire, » disait-il aux génies qui sont toujours prêts à recevoir ses ordres. « Voyons où ira sa folie et son impiété. S'il en fait trop, nous saurons bien le châtier. » Aidez-lui à bâtir cette tour, qu'à l'imitation de Nimrod il a commencé d'élever. Non comme ce grand guerrier pour se sauver d'un nouveau déluge, mais par l'insolente curiosité de pénétrer dans les secrets du ciel. Il a beau faire, il ne devinera jamais le sort qui l'attend. Les génies obéirent, et quand les ouvriers élevaient durant le jour la tour d'une coudée, ils y en ajoutaient deux pendant la nuit. La rapidité avec laquelle cet édifice fut construit flatta la vanité de Vatek. Il pensait que même la matière insensible se prêtait à ses desseins. Ce prince ne considérait pas, malgré toute sa science, que les succès de l'insensé et du méchant sont les premières berges dont ils sont frappés. Son orgueil parvint à son comble lorsqu'ayant monté pour la première fois les 1500 degrés de sa tour, il regarda en bas. Les hommes lui paraissaient des fourmis, les montagnes des coquilles et les villes des ruches d'abeilles. L'idée que cette élévation lui donna de sa propre grandeur acheva de lui tourner la tête. Il allait s'adorer lui-même, lorsqu'en levant les yeux, il s'aperçut que les astres étaient aussi éloignés de lui qu'au niveau de la terre. Il se consola cependant du sentiment involontaire de sa petitesse par l'idée de paraître grand aux yeux des autres. D'ailleurs, il se flatta que les lumières de son esprit surpasseraient la portée de ses yeux et qu'il ferait rendre compte aux étoiles des arrêts de sa destinée. Pour cet effet, il passait la plupart des nuits sur le sommet de sa tour et se croyant initié dans les mystères astrologiques, il s'imagina que les planètes lui annonçaient de merveilleuses aventures. Un homme extraordinaire devait venir d'un pays dont on n'avait jamais entendu parler et en être le héros. Alors il redoubla d'attention pour les étrangers et fit publier à son de trompe dans les rues de Samara qu'aucun de ses sujets n'eut à retenir ni à loger les voyageurs. Il voulait qu'on les amenât tous dans son palais. Quelque temps après cette proclamation, parut un homme dont la figure était si effroyable que les gardes qui s'en emparèrent furent obligés de fermer les yeux en le conduisant au palais. Le calife lui-même parut étonné à son horrible aspect. Mais la joie succéda bientôt à cet effroi involontaire. L'inconnu étala devant le prince des raretés telles qu'il n'en avait jamais vues et dont il n'avait pas même conçu la possibilité. Rien, en effet, n'était plus extraordinaire que les marchandises de l'étranger. La plupart de ces bijoux étaient aussi bien travaillés que magnifiques. Ils avaient outre cela une vertu particulière, décrite sur un rouleau de parchemin attaché à chaque pièce. On voyait des pantoufles qui aidaient aux pieds à marcher, des couteaux qui coupaient sans le mouvement de la main, des sabres qui portaient le cou au moindre geste. Le tout était enrichi de pierres précieuses que personne ne connaissait. Parmi toutes ces curiosités se trouvaient des sabres, dont les lames jetaient un feu éblouissant. Le calife voulut les avoir et se promettait de déchiffrer à loisir des caractères inconnus qu'on y avait gravés. Sans demander au marchand quel en était le prix, il fit apporter devant lui tout l'or monnayé du trésor et lui dit de prendre ce qu'il voudrait. Celui-ci prit peu de choses et en gardant un profond silence. Vatek ne douta point que le silence de l'inconnu ne fût causé par le respect que lui inspirait sa présence. Il le fit avancer avec bonté et lui demanda d'un air affable qui il était, d'où il venait et où il avait acquis de si belles choses. L'homme, ou plutôt le monstre, au lieu de répondre à ses questions, frotta trois fois son front plus noir que l'ébène, frappa quatre fois sur son ventre dont la circonférence était énorme, ouvrit de gros yeux qui paraissaient de charbons ardents, et se mit à rire avec un bruit affreux en montrant de larges dents couleur d'ambre rayées de verre. Le calife, un peu ému, répéta sa demande, mais il ne reçut pas d'autre réponse. Alors le prince commença à s'impatienter et s'écria « Sais-tu bien, malheureux, qui je suis? Et penses-tu de qui tu te joues? » Et s'adressant à ses gardes, il leur demanda s'ils l'avaient entendu parler. Ils répondirent qu'il avait parlé, mais ce qu'il avait dit n'était pas grand-chose. « Qu'il parle donc encore ?» reprit Vatek. « Qu'il parle comme il pourra, et qu'il me dise qui il est, d'où il vient, et d'où il a porté les étranges curiosités qu'il m'a offertes. » Je jure par l'âne de Balaam que s'il se tait davantage, je le ferai repentir de son obstination. » En disant ces mots, le calife ne put s'empêcher de lancer sur l'inconnu un de ses regards dangereux. Celui-ci n'en perdit pas seulement contenance, l'œil terrible et meurtrier ne fit aucun effet sur lui. On ne saurait exprimer l'étonnement des courtisans quand ils s'aperçurent que l'incivil marchand soutenait une telle épreuve. Il s'était jeté la face contre terre et y serait resté, si le calife ne leur eût dit d'un ton furieux « Levez-vous, poltron, et saisissez ce misérable, qu'il soit traîné en prison et gardé à vue par mes meilleurs soldats. Il peut emporter avec lui l'argent que je viens de lui donner, qu'il le garde, mais qu'il parle. » À ces mots, on tomba de tous côtés sur l'étranger. On le garrotta de fortes chaînes et on le conduisit dans la prison de la Grande Tour. Cette enceinte de barreaux de fer, garnie de pointes aussi longues et aussi acérées que des broches, l'environnait de tous côtés. Le calife demeura cependant dans la plus violente agitation. Il ne parlait point. À peine voulut-il se mettre à table, et il ne mangea que de 32 places sur les 300 qu'on lui servait tous les jours. Cette diète, à laquelle il n'était pas accoutumé, l'aurait seul empêché de dormir. Quel effet ne dut-elle pas avoir, étant jointe à l'inquiétude qui le possédait? Aussi, dès qu'il fut jour, il courut à la prison pour faire de nouveaux efforts auprès de l'opiniâtre inconnu. Mais sa rage ne saurait se décrire quand il vit qu'il n'y était plus, que les grilles de fer étaient brisées et les gardes sans vie. Le plus étrange délire s'empara de lui. Il se mit à donner de grands coups de pied aux cadavres qui l'entouraient, et continua tout le jour à les frapper de la même manière. Ses courtisans et ses vizirs firent tout ce qu'ils purent pour le calmer, mais voyant qu'ils n'en pouvaient pas venir à bout, ils s'écrièrent tous ensemble « Le calife est devenu fou ! Le calife est devenu fou !» Ce cri fut bientôt répété dans toutes les rues de Samara. Il parvint enfin aux oreilles de la princesse Karatis, mère de Vatek. Elle accourut tout alarmée pour essayer le pouvoir qu'elle avait sur l'esprit de son fils. Ses pleurs et ses embrassements réussirent à fixer le calife dans une même place, et cédant bientôt à ses instances, il se laissa ramener dans son palais. Karatis n'eut garde d'abandonner son fils à lui-même. Après qu'elle l'eût fait mettre au lit, elle s'assit auprès et tâcha par ses discours de le consoler et de le tranquilliser. Personne ne pouvait mieux y parvenir. Vatek l'aimait et la respectait comme une mère, mais encore comme une femme douée d'un génie supérieur. Elle était grecque. Elle lui avait fait adopter tous les systèmes et les sciences de ce peuple, en honneur parmi les bons musulmans. L'astrologie judiciaire était une de ses sciences, et Karatis la possédait parfaitement. Son premier soin fut donc de faire souvenir à son fils de ce que les étoiles lui avaient promis, et elle proposa de les consulter encore. « Hélas, lui dit le calife, dès qu'il put parler, je suis un insensé. Non d'avoir donné 40 000 coups de pied à mes gardes, qui se sont sottement laissés mourir, mais parce que je n'ai pas réfléchi que cet homme extraordinaire était celui que les planètes m'avaient annoncé. Au lieu de le maltraiter, j'aurais dû essayer de le gagner par la douceur et les caresses. » « Le passé ne peut se rappeler, répondit Karatis. Il faut songer à l'avenir. Peut-être verrez-vous encore celui que vous regrettez. Peut-être ces écritures qui sont sur les lames des sabres vous en apprendront des nouvelles. « Mangez et dormez, mon cher fils. Nous verrons demain ce qu'il y faudra faire. » Vathek suiva ce sage conseil. Il se leva dans une meilleure situation d'esprit et se fit aussitôt apporter les sabres merveilleux. Afin de n'être pas ébloui par leur éclat, il les regarda au travers d'un verre coloré et s'efforça d'en déchiffrer les caractères. Mais ce fut en vain. Il eut beau se frapper le front, il ne connut pas une seule lettre. Ce contretemps l'aurait fait retomber dans ses premières fureurs si Karatis n'était entré à propos. « Prenez patience, mon fils, lui dit-elle. Vous possédez assurément toutes les sciences. Connaître les langues est une bagatelle du ressort des pédants. Promettez des récompenses dignes de vous à ceux qui expliqueront ces mots barbares que vous n'entendez pas et qu'il est au-dessous de vous d'entendre. Bientôt, vous serez satisfait. Cela peut être, dit le calife. Mais en attendant, je serai excédé par une foule de demi-savants qui feront cet essai autant pour avoir le plaisir de bavarder que pour obtenir la récompense. » Après un moment de réflexion, il ajouta « Je veux éviter cet inconvénient. Je ferai mourir tous ceux qui ne me satisferont pas. Car grâce au ciel, j'ai assez de jugement pour voir si l'on traduit ou si l'on invente. » « Oh, pour cela, je n'en doute pas, » répondit Karatis. « Mais faire mourir les ignorants est une punition un peu sévère et qui peut avoir de dangereuses conséquences. Contentez-vous de leur faire brûler la barbe. Les barbes ne sont pas aussi nécessaires dans un état que les hommes. » Le calife se rendit encore aux raisons de sa mère et fit appeler son premier vizir. « Morak Anabad, lui dit-il, fais annoncer par un crieur public dans Samara et dans toutes les villes de mon empire que celui qui déchiffrera des caractères qui paraissent indéchiffrables aura des preuves de cette libéralité connue de tout le monde, mais qu'à défaut de succès, on lui brûlera la barbe jusqu'au moindre poil. Qu'on publie aussi que je donnerai 50 belles esclaves et 50 caisses d'abricots de l'île de Kirmit à qui m'apprendra des nouvelles de cet homme étrange que je veux revoir. » Les sujets du calife, à l'exemple de leur maître, aimaient beaucoup les femmes et les caisses d'abricots de l'île de Kirmit. Ces promesses leur firent venir l'eau à la bouche, mais ils n'en tâtèrent pas, car personne ne savait ce qu'était devenu l'étranger. Il n'en fut pas de même de la première demande du calife. Les savants, les demi-savants, et tous ceux qui n'étaient ni l'un ni l'autre, mais qui croyaient être tout, vinrent courageusement hasarder leur barbe, et tous la perdirent. Les eunuques ne faisaient autre chose que de brûler des barbes, ce qui leur donnait une odeur de roussi dont les femmes du sérail se trouvèrent si incommodées qu'il fallut offrir cet emploi à d'autres. Enfin, un jour, il se présenta un vieillard dont la barbe surpassait d'une coudée et demie toutes celles qu'on avait vues. Les officiers du palais, en l'introduisant, se disaient l'un à l'autre « Quel dommage ! Quel grand dommage de brûler une aussi belle barbe !» Le calife pensait de même, mais il n'en eut pas le chagrin. Le vieillard lut sans peine les caractères et les expliqua mot à mot de la manière suivante. « Nous avons été faits là où l'on fait tout bien. Nous sommes la moindre des merveilles d'une région où tout est merveilleux et digne du plus grand prince de la terre. » « Oh, tu as parfaitement bien traduit, » s'écria Vathek. « Je connais celui que ces caractères veulent désigner. Qu'on donne à ce vieillard autant de robes d'honneur et autant de mille sequins qu'il a prononcé de mots. Il a nettoyé mon cœur d'une partie du surmet qui l'enveloppait. » Après ces paroles, Vathek l'invita à dîner et même à passer quelques jours dans son palais. Le lendemain, le calife le fit appeler et lui dit « Relis-moi encore ce que tu m'as lu. Je ne saurais trop entendre ces paroles qui semblent me promettre le bien après lequel je soupire. » Aussitôt, le vieillard mit ses lunettes vertes. Mais elles lui tombèrent du nez lorsqu'il s'aperçut que les caractères de la veille avaient fait place à d'autres. « Qu'as-tu ? » lui demanda le calife. « Que signifient ces marques d'étonnement ? » « Souverain du monde, les caractères de ces sabres ne sont plus les mêmes. »« Que me dis-tu ? » reprit Vathek. « Mais n'importe. Si tu peux, explique-moi la signification. La voici, Seigneur, dit le vieillard. Malheur au téméraire qui veut savoir ce qu'il devrait ignorer, et entreprendre ce qui surpasse son pouvoir. Malheur à toi-même ! S'écria le calife tout hors de lui. Sors de ma présence ! On ne te brûlera que la moitié de la barbe parce que hier tu devinas bien. Quant à mes présents, je ne reprends jamais ce que j'ai donné. Le vieillard, assez sage pour penser qu'il était quitte à bon marché de la sottise qu'il avait faite en disant à son maître une vérité désagréable, se retira aussitôt et ne reparut plus. Vatek ne tarda point à se repentir de son impétuosité. Comme il ne cessait d'examiner ses caractères, il s'aperçut bien qu'ils changeaient tous les jours, et personne ne se présentait pour les expliquer. Cette inquiète occupation enflamma son sang, lui causa des vertiges, des éblouissements et une si grande faiblesse qu'à peine il pouvait se soutenir. Dans cet état, il ne laissait pas que de se faire porter à la tour, espérant de lire quelque chose d'agréable dans les astres. Mais il se trompa dans cet espoir. Ses yeux, offusqués par les vapeurs de sa tête, le servaient mal. Il ne voyait plus qu'un nuage noir et épais, augure qui lui semblait des plus funestes. Harassé de tant de soucis, le calife perdit entièrement courage. Il prit la fièvre, l'appétit lui manqua, et au lieu d'être toujours le plus grand mangeur de la terre, il en devint le plus déterminé buveur. Une soif surnaturelle le consuma, et sa bouche, ouverte comme un entonnoir, recevait jour et nuit des torrents de liquide. Alors ce malheureux prince, ne pouvant goûter aucun plaisir, fit fermer les palais des cinq sens, cessa de paraître en public, d'y étaler sa magnificence, de rendre justice à ses peuples, et se retira dans l'intérieur du sérail. Il avait toujours été bon mari. Ses femmes se désolèrent de son état, ne se lassèrent point de faire des vœux pour sa santé et de lui donner à boire. Cependant, la princesse Karatis était dans la plus vive douleur. Elle se renfermait tous les jours avec le vizir Morakanabad pour chercher les moyens de guérir ou du moins de soulager le malade. Persuadé qu'il y avait de l'enchantement, ils feuilletaient ensemble tous les livres de magie et faisaient chercher partout l'horrible étranger qu'ils accusaient d'être l'auteur du charme. À quelques milles de Samara, était une haute montagne couverte de thym et de serpolet. Une plaine délicieuse en couronnait le sommet. On l'aurait prise pour le paradis destiné aux fidèles musulmans. Sans bosquets d'arbustes odoriférants et autant de bocages où l'oranger, le cèdre et le citronnier offraient, en s'entrelaçant avec le palmier, la vigne et le grenadier, de quoi satisfaire également le goût et l'odorat. La terre y était jonchée de violettes. Des touffes de giroflées embaumaient l'air de leur doux parfum. Quatre sources claires, et si abondantes qu'elles auraient pu désaltérer 10 armées, ne semblaient couler en ce lieu que pour mieux imiter le jardin d'Éden arrosé des fleuves sacrés. Sur leurs bords verdoyants, le rossignol chantait la naissance de la rose, sa bien-aimée, et se plaignait du peu de durée de ses charmes. La tourterelle déplorait la perte de plaisirs plus réels, tandis que l'alouette saluait par ses chants la lumière qui ranime la nature. Là, plus qu'en aucun lieu du monde, le gazouillement des oiseaux exprimait leurs diverses passions. Les fruits délicieux qu'ils becquetaient à plaisir semblaient leur donner une double énergie. On portait quelquefois Vatek sur cette montagne, afin qu'il pût y respirer un air pur et boire à son gré des quatre sources. Sa mère, ses femmes et quelques eunuques étaient les seules personnes qui l'accompagnaient. Chacun s'empressait à remplir de grandes coupes de cristal de roche et les lui présentait à l'envi, mais leurs ailes ne répondaient pas à son avidité. Souvent, il se couchait par terre pour laper l'eau. Un jour que le déplorable prince était resté longtemps dans une posture aussi vile, une voix rauque mais forte se fit entendre et l'apostropha ainsi. Pourquoi fais-tu l'exercice d'un chien, ô calife si fier de ta dignité et de ta puissance ? À ces mots, Vatek lève la tête et voit l'étranger cause de tant de peine. À cette vue, il se trouble. La colère enflamme son cœur. Il s'écrie « Et toi, maudit Jiao, que viens-tu faire ici ? N'es-tu pas content d'avoir rendu un prince agile et dispos semblable à une outre ? Ne vois-tu pas que je meurs autant pour avoir trop bu que du besoin de boire ? Bois donc encore ce trait, lui dit l'étranger en lui présentant un flacon rempli d'une liqueur rougeâtre. Et sache pour tarir la soif de ton âme, après celle du corps, que je suis indien, mais d'une région connue de personne. Une région qui n'est connue de personne ? Ces mots furent un trait de lumière pour le calife. C'était l'accomplissement d'une partie de ses désirs, et se flattant qu'ils allaient être tous satisfaits, il prit la liqueur magique et la but sans hésiter. À l'instant, il se trouva rétabli, sa soif fut étanchée, et son corps devint plus agile que jamais. Sa joie fut alors extrême. Il saute au col de l'effroyable Indien et baise sa vilaine bouche béante et baveuse avec autant d'ardeur qu'il aurait pu baiser les lèvres de corail de ses plus belles femmes. Ses transports n'auraient pas fini si l'éloquence de Karatis n'eût ramené le calme. Elle engagea son fils à retourner à Samara, et il s'y fit précéder par un héros qui criait de toutes ses forces « Le merveilleux étranger a reparu. Il a guéri le calife. Il a parlé. Il a parlé. » Aussitôt, tous les habitants de cette grande ville sortirent de leurs maisons. Grands et petits couraient en foule pour voir passer Vatek et l'Indien. Ils ne se laissaient point de répéter « Il a guéri notre souverain. Il a parlé. Il a parlé. » Ces mots devinrent ceux du jour et ne furent point oubliés dans les fêtes publiques qu'on donna le soir même en signe de réjouissance. Les poètes en firent le refrain de toutes les chansons qu'ils composèrent sur ce beau sujet. Alors le calife fit rouvrir le palais d'essence, et comme il était plus pressé de visiter celui du goût qu'aucun autre, il ordonna qu'on y servît un splendide festin auquel ses favoris et tous les grands officiers furent admis. L'Indien, placé à côté du calife, feignit de croire que pour mériter autant d'honneur, il ne pouvait trop manger, trop boire et ni trop parler. Les mets disparaissaient de la table aussitôt qu'ils étaient servis. Tout le monde se regardait avec étonnement. Mais l'Indien, sans faire semblant de s'en apercevoir, buvait des rasades à la santé de chacun, chantait à tue-tête, contait des histoires dont il riait à gorge déployée, et faisait des impromptus qu'on aurait applaudis s'il ne les eût pas déclamés avec des grimaces affreuses. Durant tout leur pas, il ne cessa de bavarder autant que 20 astrologues, de manger plus que 100 portefaix et de boire à proportion. Malgré qu'on eût couvert la table 32 fois, le calife avait souffert de la voracité de son voisin. Sa présence lui devenait insupportable, et il pouvait à peine cacher son humeur et son inquiétude. Enfin, il trouva moyen de dire à l'oreille du chef de ses eunuques « Tu vois, Baba Dalouk, comme cet homme fait tout en grand. Que serait-ce s'il pouvait arriver jusqu'à mes femmes ? Bah, redouble de vigilance, et surtout, prends garde à mes circassiennes, qui l'accommoderaient plus que toutes les autres. »